Saddam Hussein a été 23 ans au pouvoir comme un méchant dictateur, on le sait, là. 23 ans au pouvoir en Irak. Combien, pendant 23 ans, il y a eu d'attentats terroristes rapportés en Irak? Pendant qu'il était là? Pendant qu'il était là. Ben, 23 ans, pas 23 mois, pas 23 jours. Compte tenu du contrôle qu'il y avait sur la population, toi, il n'y a pas dû en avoir beaucoup, là. Zéro. Quelle est la situation actuelle en Irak, depuis qu'on essaie de mettre une démocratie? Ouais, non, je sais, mais non, mais quoi? C'est épouvantable, mais je vais te rejoindre sur quelque chose. D'abord, Saddam Hussein n'était pas juste un dictateur. C'était un dictateur sanguinaire. Il a gazé des Kurdes, il a assassiné des gens. Je suis en train de le défendre, Sylvain, je suis en train de te dire. On dirait qu'il y a des pays que, hors d'une dictature, c'est le bordel qui revient. Mais sais-tu ce que ça prendrait en Irak? Mais malheureusement, on n'est pas capable de concevoir ça ici en Occident. Ça prendrait un bon dictateur. Ouais. Sérieux, mais là, c'est oui, ça prendrait... Bon et généreux, mais à date, ça s'est pas bien. T'as raison que la démocratie, là-bas, ça peut pas marcher. Le peuple est bien trop divisé. Il y a des haines religieuses, il y a des crinqués là-bas, il y a des fous. Tu peux pas avoir une démocratie. Tu sais, à un moment donné, là, quand on dit l'état d'urgence, même en démocratie, des fois, tu peux proclamer l'état d'urgence quand ça brasse trop. Mais là, les Américains, eux autres, c'est les grands défenseurs de la démocratie. Je comprends ça. Mais leur idée d'exporter la démocratie à date, ils sont plantés pas mal. Moi, je pense que ça prend un dictateur. Mais écoute bien, les Américains veulent amener la démocratie en Irak, puis ils se font ramasser par les gauchistes et les idiots utiles. Imagine-toi qu'ils implantent un dictateur là-bas. Oh boy! Patrick Lagacé. C'est votre chance, c'est juste pour le pétrole. Faites ça pour l'argent. Ça passera jamais. Patrick Lagacé a déjà dit que la fois où il s'est fait le plus ramasser de toute sa vie, ramasser de ces gens... courriel, puis t'es un fou, t'es un malade, c'est quand il est allé, après le dernier gros tremblement de terre en Haïti, il était allé là, puis il avait écrit un article, je l'avais lu l'article, puis même moi, quand je l'ai lu, j'ai fait « Hey boy! » Puis il avait écrit, écoutez-moi vous le dire, là, moi, ce que j'ai vu, là, c'est qu'il y a une seule solution en Haïti, c'est que ça prend un boss. Ah ouais. Ça marchera pas, là, avec, genre, on va faire des élections, pis ça, ça prend un boss. Mon gars, il l'a dit après, plus tard. Mais gars, Marc, tu l'as fait ramasser épouvantable. C'est la pire affaire que j'ai jamais dit. Mais sais-tu quoi? Moi, j'ai déjà dit ça à Québec. En masse sur Haïti, j'ai eu zéro plainte parce que je suis à Québec. Le problème de Montréal, c'est ça. Montréal est gauchiste. Montréal, c'est ça. Hey, il a parlé d'un dictateur. Il est pro-américain. Il est fou. Lagacé, dans son monde, dans le monde de Pat Lagacé, s'il dit ça, les gens veulent y arracher la tête. Ouais. Moi, à Québec, là, Marc, j'ai déjà dit plein de fois qu'Haïti, ça prend plus qu'un bon dictateur. Moi, je retransformerai Haïti en une colonie. Ça prend un l'ONU, mais pas juste un pays. L'ONU doit coloniser Haïti en disant, là, vous autres, là, oubliez ça. Ouais, toi, tu veux pas dire coloniser pour aller chercher la canne à sucre. Non, pas pour les exploiter. Coloniser dans le sens, là, vous êtes plus capable de gérer votre pays. On va vous envoyer du monde, on va vous envoyer des soldats, puis pendant un bout de temps, on va vous gérer, puis on reviendra à la démocratie quand il y aura au moins une base dans la population. Mais là, tu l'as pas. Il y a pas assez de ressources, malheureusement. En Irak,